La Croche-Oreille vous est présentée par Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique. Alors, salut tout le monde, bienvenue à la Croche-Oreille, édition du dimanche 17 mars 2019, déjà le printemps qui s'amène tranquillement. Alors, un peu pour signer le printemps, je vous présente ce soir l'univers sonore de l'artiste Yana Irmert, qui a produit au cours des dernières années deux albums vraiment magnifiques, l'un intitulé End of Absence, lancé en 2016, et un plus récent intitulé Flood, lancé en 2018, deux albums aux sonorités multicouches, environnés de voix, de field recording, de prise en direct, des albums inspirés des mutations sociales et environnementales qui s'opèrent autour de nous, que l'on soit à Berlin, son lieu de vie, ou à Québec. Alors, un premier titre intitulé « Bagful » s'est tiré de l'album « Head of Absence ». Bagful, un titre tiré de l'album intitulé End of Absence de l'artiste Yana Irmert, qui se définit comme une artiste du son et des nouveaux médias. Yana s'intéresse tout particulièrement aux aspects intangibles ou plus ou moins palpables de l'existence, comme ces images qui nous habitent et qu'elle transforme en dispositifs audiovisuels ou sonores. des dispositifs qui sont à la fois les sonorités, je dirais, de ces dispositifs qui sont à la fois très atmosphériques, énigmatiques quant à la source des sonorités, et tout ça s'est baigné d'étrangeté acoustique, comme on vient de l'entendre. Alors, il faut dire en passant que ces albums de création sonore sont issus d'installations audio et visuelles in situ. C'est présenté la plupart du temps en public et sans autre préambule et pour se familiariser un peu plus davantage avec son travail sonore, je vous propose une pièce intitulée Altitude Adjustment. C'est tiré encore une fois de l'album Hands of Absence. Alors voilà, je l'ai dit, Jana Irmert, eh bien, elle vit et travaille à Berlin, berlinoise. Elle a produit des pièces en solo et elle a travaillé en collaboration avec des créateurs, notamment le musicien d'avant-garde Christopher Chaplin, un artiste plutôt intéressant avec lequel elle a travaillé sur le plan sonore. Le travail artistique de Jana Irmert comprend des compositions électroacoustiques, multi-canaux, des installations audiovisuelles et des projets de collaboration avec des cinéastes, des danseurs et des artistes visuels, donc une artiste qu'on pourrait qualifier de multidisciplinaire. Ces installations et ces compositions ont été présentées dans des festivals et des expositions internationales, et je vous en nomme quelques-uns: le Festival de musique électroacoustique de New York, le Sound Explicit de Slovénie, la Biennale des arts environnementaux High Park, présenté aux États-Unis, l'Académie des arts de Berlin, le BAM Center ici en Alberta, au Canada. Alors, je vous propose une troisième pièce, je dirais, de l'album End of Absence, son tout premier album paru en 2016, qui est construit autour de six œuvres sonores expérimentales, fusionnant des enregistrements de terrain, des sonorités électroacoustiques et des textures vocales pour créer des paysages sonores qu'elle qualifie de multicouches. Alors, la pièce qu'on vient d'entendre, Head of Absence, et c'est de l'album Head of Absence, c'est le titre éponyme de cet album, réalisé par Yana Hermert. Le critique Nathan Thomas du magazine Fluid Radio souligne combien les sons synthétiques ainsi que ceux qui sont traités ou manipulés semblent étrangement naturels. Le titre d'ouverture qu'on vient d'entendre, il est en est probablement l'exemple le plus clair de dire Nathan Thomas, avec le son des cigales et des rafales de vent, le calme et la lenteur campagnarde. Toujours selon Thomas, le son apaisant des cordes vocales et le bourdonnement qu'on entendait serait aussi relaxant que les sonorités d'une promenade en forêt s'il n'y avait pas l'intervention de sons abstraits générés électroniquement. Mais peut-être que l'étrangeté accablante de la nature organique est précisément ce que la pièce réussit à communiquer, se demande Thomas, Nathan Thomas, en tout cas, de poursuivre. Il dit la musique de Yana Hermert provoque une incertitude quant à la nature et à l'origine de ce qui est entendu, un sentiment à la fois troublant et enivrant. Alors, on écoute une dernière pièce pour terminer la première demi-heure. C'est tiré de l'album End of Absence. C'est une pièce intitulée Tea Like the Cross. On en écoute un extrait. Whisper. Voilà ce qui complète la première demi de l'émission. Alors, on est de retour après un bref battement promotionnel. Particules sonores. Fragments de bruit. Au début, il y a eu le son. Gaétan Gosselin explore l'univers fascinant de l'art audio avec les artistes dont la matière première est le son. La Croche-Oreille, une présentation d'Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique. CKRL. Communication. Culture. Alors, c'est la Croche-Oreille qui se poursuit autour des inspirantes créations sonores de l'artiste berlinoise Jana Irmert. Je vous rappelle en passant que vous pouvez retrouver toutes les pièces entendues ce soir sur le site lacrocheoreille.wordpress.com. Vous y retrouverez également le descriptif de l'émission, nos partenaires, ainsi que toutes les émissions disponibles en balado pour écoute immédiate ou en différé. C'est à votre guise. Alors, si vous aimez la Croche-Oreille, eh bien, il faut devenir membre de CKRL. C'est une période idéale à quelques jours, je dirais presque deux semaines, à peine deux semaines avant le Radioton de CKRL, un événement incontournable qui permet à la station de tirer quelques revenus pour s'assurer d'une mise en onde top niveau. Alors voilà, je vous invite, vous faites ckrl.qc.ca. Il y a plein de moyens de payer sa cotisation et de faire un don à la station. Alors, on poursuit sur ce travail de Jana Irmert. Comme je l'ai mentionné plus tôt, c'est une artiste qui explore le son dans le contexte d'installation et de performance. Plusieurs des titres de l'album End of Absence sont d'ailleurs le résultat de performances combinant des images en mouvement et des sonorités quadraphoniques, comme cette pièce que je vous propose qui s'intitule Untitled, et entre parenthèses c'est slow, lentement, qui est inspirée, dit-elle, du roman de Virginia Woolf intitulé Les Vagues, un magnifique roman. Jana Irmert souligne à ce propos que l'œuvre émerge au terme d'un processus associatif liant le son, les images et le texte de Virginia Woolf. Sur le plan plus technique, la base sonore de la composition est constituée de riffs sonores produits par la guitare électrique et les amplis qui ont été traités avec des synthés, tout ça couplé à des enregistrements de voix et de sonorités captées sur le terrain, tout ça traduisant, et là j'ouvre les guillemets, sur le plan artistique, l'idée de chevauchement, de mouvance et de surréalisme, raconte Jana Irmert. Nothingness. Thank you. Alors voilà, à propos de Yana Irmert, eh ben c'est une artiste qui a d'abord fait des études en cinéma, inspirée sur le plan sonore par les musiques de films. C'est là, dit-elle en entrevue, que j'ai commencé à réfléchir aux fonctions du son et à la manière dont le son peut être transformé en paysage sonore, comme on vient de l'entendre dans cette pièce qui s'intitulait Untitled Slow, tiré de l'album End of Absence. Alors, les réalisateurs David Lynch, Andrei Tarkovsky ont eu un effet puissant sur elle, dit-elle. En même temps, j'ai commencé à écouter beaucoup de musique expérimentale, raconte Yana, de la musique expérimentale classique et d'avant-garde. Et elle nomme notamment Meredith Monk, Morton Feldman, John Cage et plusieurs autres. Yana est cofondatrice d'un organisme intitulé Studio AmFloss. C'est un organisme spécialisé dans le son et l'image. Dans une entrevue qu'elle accorde au magazine 15 Questions, Yana Irmert révèle que son travail sonore est grandement inspiré par les grandes problématiques sociales contemporaines. À propos de son dernier album intitulé Flood, elle révèle avoir été inspirée par le roman de l'écrivain kazakh Chingiz Aitmatov intitulé La marque de Cassandra. On voit qu'elle est très influencée par la littérature. À propos de ce roman, elle dit qu'il s'agit d'un roman dystopique qui a pour thème l'autodestruction du genre humain. Et là, j'ouvre les guillemets, elle dit « Cela m'a fait réfléchir sur l'état actuel de notre planète alors que je lisais intensément sur les questions environnementales. Bien que tout cela me semblait conceptuel et abstrait au début, j'ai vite compris qu'il me fallait créer une œuvre qui incorporerait à la fois beauté et destruction. C'est à ce moment que j'ai commencé à collectionner du matériel sonore, des sons enregistrés, des instruments et une voix. » Je referme les guillemets. On écoute donc un premier extrait de l'album Flood de Yana Irmert. C'est intitulé Partie 2, Silence on a String. Alors, on vient d'entendre Silence on a String, c'est tiré de l'album Flood, son plus récent album, lancé en juillet 2018. Le compositeur allemand Tobias Fischer raconte à propos de cet album et d'Yana. Yana y remet à créer un monde métaphorique de nuages harmoniques, de craquements doux et d'enregistrements de terrains abstraits. Les trois parties de l'album sont marquées par des changements subtils, incessants, la mémoire se transformant en une sorte de boussole imparfaite. Vous pouvez parcourir la musique dans toutes les directions sans jamais revenir au même endroit, dans ce monde de sons concrets, d'abstractions pures, de timbres organiques et de bruits extraterrestres. Tout sens de la perspective est perdu. Ce qui est loin peut sembler proche et de minuscules sons vous apparaissent soudainement énormes. En ce sens, Flood concerne le désir de changement, une sensation qui nous remplit à la fois d'anticipation et d'anxiété, de conclure le compositeur Tobias Fischer à propos de l'album Flood de Yana Hirmert, un magnifique album. Alors, pour compléter l'émission de ce soir, je vous propose qu'on écoute une création de Yana intitulée The Sound of the Universe Spinning. C'est tiré de l'album Flood. Et puis, avant de nous quitter, restez avec nous. C'est la web musique avec Simon Roy qui s'amène. Quant à moi, je suis de retour la semaine prochaine, 21h sur les ondes de CKRL, le 89.1, pour une autre aventure sonore. Ici Gaëtan Gosselin qui vous salue. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes.